Petite somme théologique de saint Thomas d'Aquin, par l'abbé Frédéric Le Breton, tome 3, Gaumet du Pré 1862. Question 90. De l'abjuration. Licité de l'abjuration. Abjuration des démons. Abjuration des créatures irraisonnables. 1. Est-il permis d'adjurer l'homme? Nous prions Dieu au nom des choses saintes. L'apôtre a conjuré les fidèles au nom de la miséricorde de Dieu. Il est donc permis de conjurer ou d'adjurer un homme. De même que, dans le serment promissoire, on s'induit soi-même à faire une action à laquelle on s'oblige sous l'invocation du nom divin. De même, dans l'adjuration, on se sert des choses divines pour porter les autres hommes à une œuvre. Soit un supérieur que l'on prie, soit un inférieur que l'on commande, avec cette différence, toutefois, que, pour imposer aux autres par le respect dû aux choses sacrées une obligation morale semblable à celle que l'on s'impose à soi-même par l'invocation du nom divin, il est nécessaire d'être maître de leurs actions en vertu d'un serment prêté par eux. C'est pourquoi, celui qui veut, en invoquant le nom de Dieu ou les autres choses sacrées, imposer à une personne sur laquelle il n'a pas d'autorité l'obligation de faire une œuvre quelconque, comme on s'y contraint soi-même par le serment, fait une adjuration illicite, il usurpe sur le prochain une autorité qu'il n'a pas. Ainsi fit le grand prêtre, quand il adjura Jésus-Christ par le Dieu vivant. Il prétendait lui imposer une obligation pareille à celle que l'on s'impose à soi-même par le jurement. Les supérieurs seuls, en cas de nécessité, peuvent lier leurs inférieurs par une telle adjuration. Mais si, en faisant intervenir le respect du nom de Dieu ou d'un objet sacré, on a seulement l'intention d'obtenir une faveur, sans imposer la nécessité, on peut employer l'adjuration envers toutes sortes de personnes. 2. Est-il permis d'adjurer les démons? L'adjuration par prière, qui implique une certaine bienveillance, une sorte d'amitié, ne doit pas être admise vis-à-vis des démons. L'adjuration par contrainte peut seule être employée pour certaines choses, mais non pas pour d'autres. Il est permis de les adjurer impérativement au nom de Dieu, comme des ennemis, afin de les empêcher de nuire à nos âmes ou à nos corps. Jésus-Christ nous a donné ce pouvoir dans ses paroles, « Voici que je vous donne puissance de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la force de l'ennemi, rien ne vous nuira. » Luc 10:19. Il n'est pas permis de les adjurer pour en apprendre ou pour en obtenir quelque chose, ce serait faire alliance avec eux. Note. Le Sauveur, en disant à l'un des esprits infernaux, « Tais-toi, et sors de cet homme », Marc 1:25, nous apprend, selon la remarque de saint Jean Chrysostome, que nous ne devons ni écouter ni croire le démon. Quelque grande vérité qu'il paraisse nous annoncer. Fin de la note. 3. Est-il permis d'adjurer les créatures irraisonnables? Les opérations des êtres privés de raison doivent être attribuées non uniquement à ces êtres mêmes, mais principalement à Dieu, dont le gouvernement embrasse toute la création. Elles appartiennent parfois aussi aux démons, qui, sur la permission divine, s'en sert pour nuire aux hommes. Tout le monde comprend que l'adjuration qui s'adresserait aux créatures irraisonnables elles-mêmes serait purement vaine. Il n'en est pas de même de celle qui se rapporte au moteur de ces créatures. Celle-ci peut se pratiquer, tantôt sous la forme d'une prière adressée directement à Dieu, et elle appartient à ceux qui font des miracles par l'invocation divine, tantôt sous la forme d'une contrainte par rapport aux démons. qui se sert des créatures irraisonnables dans le but de nous nuire. Ce dernier mode d'adjuration est employé par l'Église dans les exorcismes, pour soustraire ces créatures aux puissances de l'enfer. Adjurer les démons en sollicitant leur secours, ce serait un acte illicite, nous l'avons vu. Markandanarchive.org 2020, d'après Books Google FR, licence Creative Commons pas d'usage commercial, partage à l'identique.